Salut à tous, vous écoutez Radio Gemozo et soyez les bienvenus dans cette émission dans laquelle je reçois André Chaudy, président de la fanfare municipale de Saint-Étienne, qui va nous parler, entre autres, du carnaval, de ce qui vous attend, ce qui vous attendra à Saint-Étienne ce samedi 6 avril à partir de 14h30. Ça sera le départ place de la mairie, mais on va vous détailler tout le programme avec André. Bonjour. Bonjour Mika. Oui, et puis nous parlerons de la fanfare. D'ailleurs, l'idée, je vous le dis, voici le menu. Tout d'abord, le détail du carnaval à Saint-Étienne-Hermiremont. Puis, nous parlerons de la fanfare, son histoire et les événements, puisqu'il y a eu notamment des concerts assez sympathiques récemment. Et puis, il y en aura d'autres, j'imagine. Tu nous diras cela. Oui. Et puis, on finira par un rappel sur le carnaval, comme ça, quand les gens nous quitteront, ou quand nous les quitterons, ça sera dans les deux côtés, eh bien, ils auront ça en tête. Voilà, qu'ils n'oublient pas de venir. Mais oui. Surtout qu'ils annoncent du beau par rapport à aujourd'hui, donc qu'ils n'hésitent pas. Et puis, il y a des surprises, hein, vous allez l'entendre au fur et à mesure de cette émission. Voilà. Eh bien, déjà, je le disais, hein, le rendez-vous est donné 14h30, place de la mairie. Oui, alors voilà, 14h30, oui, on se donne rendez-vous place de la mairie pour pouvoir donc tous se rassembler pour un départ prévu à 15h. La nouveauté cette année, c'est un rallongement du parcours, puisqu'on a eu une demande de personnes qui ne pouvaient pas forcément se déplacer et qui trouvaient ça sympa d'avoir remis ça en place. Donc c'était la quatrième année cette fois. Donc cette année, nous allons passer dans les HLM du plateau de la Mai. Hein, pour redescendre sur la Moutière où nous allumerons Monsieur Carnaval. C'est un circuit d'une distance de combien de kilomètres? Alors, comme j'ai des anciens à la fanfare, c'est difficile, ils m'ont demandé. Alors, j'ai au mètre près 1 km 700. Eh, c'est pas mal. Hein. Voilà, ah, c'est, oui, c'est un beau parcours. Joli, oui. Oui, le parcours, bah, c'est donc départ de l'hôtel de ville, rue du 5e, 15e BCP. On remonte rue de la Mai pour prendre devant la Tortue Bleue, plateau de la Mai, redescendre pour rejoindre rue du Tiatou, route d'Auxenois et arriver à la Moutière pour allumer Carnaval. Voilà. 14h30, le rendez-vous, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont. Une demi-heure de mise en place, puisque tu le disais, le départ sera à 15h. Voilà, oui, oui, on départ à 15h, puisque c'est vrai qu'il y a toujours des petits retardataires. Voilà. Donc, comme on ne veut oublier personne, voilà. Est-ce qu'il y a un thème pour se déguiser? Aucun thème. Le soir, oui, il y aura le thème sur les années 80-90, mais bon, voilà, c'est plus pour les anciens que pour les enfants. Là, le défilé du carnaval, j'ai remis ça en place parce que on dit souvent que je suis du 19e siècle parce que je procède encore à l'ancienne, mais j'ai gardé l'âme bon enfant et j'ai voulu remettre ça en place parce que j'ai toujours aimé, avec les petits copains d'école, quand on passait dans notre village, vendre nos petits beignets de carnaval pour faire notre sortie de fin d'année. Et donc, j'ai voulu remettre ça en place à Saint-Étienne puisqu'il n'y avait pas. Donc, voilà, on a un bon petit défilé et c'est uniquement pour les enfants l'après-midi. Donc, voilà, ils se déguisent là comme ils veulent, c'est tout. Voilà. On a toujours de bonnes surprises. Il y a toujours des gamins qui se... Bien les deux dernières années avec le mauvais temps... On a toujours des gamins qui sont bien, bien costumés. Il n'y avait pas ou il n'y avait plus le carnaval à Saint-Étienne? Ah, ça c'est une question que je ne pourrais pas te répondre. Est-ce que tu n'as pas fait des recherches et de savoir s'il y avait avant? Du tout, non, je ne me suis pas... Non. Ben, n'hésitez pas à nous contacter, 03 29 62 40 40, si vous avez envie d'intervenir dans cette émission et nous dire, puisque moi-même je me posais la question de savoir s'il y avait déjà eu carnaval avant que la fanfare municipale décide ben, de prendre ça en main. Depuis, ben, tu le disais, hein, ça sera la quatrième édition que vous portez ce projet de carnaval. Et puis, vous allez le voir, hein, c'est un défilé, ça commence ainsi, mais voilà. Après, tout au long de la journée, vous serez présent de différentes façons. Il n'y aura pas de char. Alors si, cette année, donc j'essaye d'évoluer aussi, que ce ne soit pas toujours la même chose, parce que voilà, hein, les gens, à force, se lassent vite. Donc la première année, ça a été un char que j'avais emprunté à la commune de Raon-aux-Bois. Il y a 2 ans, ça a été un simple guignol que j'avais fait, qu'on a mis sur la charrette de tirée par Alcatraz, association stéphanoise aussi. L'année dernière, c'était simplement un gugus sur une charrette que deux musiciens tiraient à la force des bras. Cette année, j'ai reconduit un char tiré par un tracteur. Et dessus, il y aura des enfants qu'on prendra au hasard dans le défilé pour se mettre sur le char. Voilà. Et tout au long du cortège, le char s'arrêtera et on changera d'enfant pour voilà, que chacun ait un petit peu le plaisir de pouvoir se promener avec Monsieur Carnaval sur la charrette. Là aussi, ça sera la surprise, le char, ou tu peux nous dévoiler ce qu'il représente ? Il ne représente rien de spécial, c'est juste un mannequin, voilà, bourré Monsieur de Carnaval, paille, en bleu de travail, de couleur, voilà, le roi Carnaval. Voilà. Qu'on brûle en fin de défilé. Qu'on brûle en fin de défilé pour souhaiter la bonne arrivée au printemps. Vous l'avez entendu, hein, ce qu'il y a de bien, c'est le fait que ça soit libre, c'est-à-dire dans les costumes et déguisements, hein, il n'y a pas besoin, vous ne serez pas pris dans un thème. Et les associations donc différentes, alors différentes associations participeront, et des particuliers, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Donc depuis le début, je demande aux associations stéphanoises de se joindre à nous, sans forcément faire un char, parce que c'est vrai que ça représente quand même du travail. Mais voilà, d'être là, d'être présent. Donc on a eu les amis de la Suche, on a eu les tronches qui viennent souvent avec nous, les Portugais, mais bon, malheureusement, avec leur costume, s'il fait mauvais, ben voilà, c'est délicat. Mais c'est vrai que voilà, tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous, ce n'est pas uniquement pour les habitants stéphanois. Et ce qui est sympa, c'est que les associations, par exemple celles que tu as nommées, ont un déguisement qui leur est propre. Souvent, en tout cas, on peut les reconnaître par leur déguisement. Bon, ah ben voilà, oui, ou oui leur tout costume, à fait. Hein, oui. si on parle voilà, ou leur costume, comme les ARP, ils prennent leur costume de scène pour venir voilà, défiler et jouer tout en défilant. Donc l'année-là, ça avait... à remonter un petit peu le défilé, c'était vraiment sympa. Tu as des exemples de ce que je viens de dire par rapport à l'an passé, par exemple, des costumes très représentatifs de l'association présente, par exemple, les amis de la Suche ou... Ben, pas trop, parce que par le fait, ben, voilà, comme j'ai pu participer qu'au premier carnaval, moi, en fait, puisque après, ben, comme j'ai eu mon accident, défilé pour moi, maintenant, c'est un peu compromis. Donc je me conditionne simplement dans la salle, moi, la préparation des beignets, parce que là aussi, il y a un énorme travail en amont avant que de pouvoir organiser de faire tout ça. Mais oui, en général, oui, ils sont quand même dans le thème de leur déguisement et en rapport avec leur association. Ah, tu m'avais donné des exemples concrets quand je t'avais contacté il y a quelques semaines par téléphone. Mais... je crois que tu m'avais dit pour la Suche, ou je sais plus exactement ce qu'ils avaient. Puis il y avait aussi une autre association, mais pareil, j'ai oublié, j'aurais dû noter au fur et à mesure que tu me voilà, le disais. Ah tu bah oui, sais plus ça. Toi aussi, tu sais plus. Ah bah ça, quand on en fait trop, et c'est. Bon, en tout cas, il y a les associations, puis les particuliers qui n'ont pas besoin de s'inscrire au préalable. Aucune inscription, non. On l'avait fait il y a une paire d'années, mais. Enfin, la première et deuxième année, on l'avait fait, mais on s'aperçoit qu'en fait, la première année, j'avais dû avoir 80, 100 réponses. Il a fait un temps magnifique, on s'est retrouvé, il y avait plus de 300 personnes. Quoi. On avait un cortège qui allait tout le long de la rue de la Mai. Voilà. Les années d'après, malheureusement, on a eu un temps incommensurable, donc on n'a eu personne. Sauf les courageux qui ont bien voulu braver le mauvais temps. Mais non, ça va, il y a toujours du monde qui est là au rendez-vous. Tout le monde est quand même content de ce qui se passe, de ce qui est fait. Et voilà, on en est chaleureusement remercié et ça fait plaisir à la fin du compte parce que, comme je disais tout à l'heure, on a un gros travail en amont avec l'équipe. Donc voilà. Ce samedi 6 avril à Saint-Étienne-lès-Remiremont, le rendez-vous est donné à 14h30, place de la mairie, place de l'hôtel de ville. Et puis, vous l'avez entendu, hein, le départ sera une demi-heure après. Un circuit d'1,7 km, pour voilà. Être précis. Précis. Et puis, on arrivera à la Moutière, hein, voilà. À la salle polyvalente. Et puis là, ça sera le goûter. Enfin, déjà, on brûle Monsieur Carnaval. Alors, on brûle Monsieur Carnaval. Et ensuite, voilà, tous les enfants qui sont là ont droit à un chocolat chaud ou ou une brique de jus d'orange pour les remercier d'être venus avec une paire de beignets de carnaval qui sont confectionnés par l'équipe de la fanfare. Et il y aura aussi, je crois, une quand je parlais de surprise, lors de ce goûter. Oui, alors au goûter, on a invité Maëva Gillot, qui a été une découverte dans The Voice of Kids 2015, je crois, et qui j'ai contacté, qui a été ravie de mon invitation et qui est d'accord de venir se présenter à 16h à l'heure du goûter pour interpréter une paire de musique, de chansons, pour le plaisir des petits comme pour les grands. Eh bien, tu sais quoi ? On va l'écouter maintenant, Maëva voilà. Gillot. Maëva Gillot sur les ondes de Radio Gemozo, elle est de Saint-Nabord, elle a participé à The Voice Kids en 2015, hein, c'était la deuxième édition, et elle a interprété ce titre popularisé par Elvis Presley, I Can Help Falling in Love, et elle sera présente au carnaval de Saint-Étienne-lès-Remiremont ce samedi 6 avril, juste après le défilé, et qui aura lieu départ à 15h, enfin... Le départ à 15h, mais le rendez-vous est donné à 14h30, place de l'Hôtel de Ville. Et puis, il y aura le goûter suite à l'arrivée de ce défilé d'un kilomètre 7, le parcours à cette distance. Et le goûter avec les enfants, mais les adultes aussi, ont le droit. André, qui est présent, hein, qui est présent au studio de Radio Gemozo, président de la fanfare municipale de Saint-Étienne, qui organise ce carnaval. Il y aura aussi pour les adultes, oui, pour eux, ce sera à titre de buvette, parce qu'on ne peut pas se permettre de pouvoir offrir à tout le monde, surtout si on a, j'exagère, hein, mais si on a comme la première année 200-300 enfants qui sont là, c'est énorme. Donc après, nous, voilà, budgétairement, c'est pas... Voilà, mais il y aura, voilà, il y aura pour satisfaire tout le monde, il n'y a aucun souci. Oui, oui, tout le monde est bienvenu. Le goûter, ça sera dans la salle polyvalente ? Alors le goûter se passe à la cantine s'il fait mauvais, sinon à l'extérieur s'il fait bon. Mais dans tous les cas, ce sera autour de la salle polyvalente. Voilà. Et Maëva Gilot, qu'on vient d'entendre, elle jouera quelques chansons pareil, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire dehors si jamais... voilà, ce sera à l'extérieur s'il fait bon, s'il fait mauvais, ce sera à l'intérieur, mais dans tous les cas, Maëva sera là. Voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle hein, pour notamment ceux qui avaient regardé The Voice, puis ceux qui ont juste envie de passer un bon moment en famille, puisqu'on le redit, hein, c'est aussi ça l'idée. On parle de déguisement, d'enfants, de goûter, mais c'est... Ah bah, c'est un moment convivial, familial, amical, tout ce qu'on veut. C'est, voilà, c'est la journée bonheur. Voilà, c'est... Et puis tout est libre, hein, comme on le disait, il n'y a pas de thème pour les déguisements, il n'y a pas besoin de s'inscrire au préalable, vous n'avez qu'à venir au moment où on l'a dit, et puis vous pourrez faire partie de cette grande fête avec tous, que vous soyez de Saint-Étienne ou non. Voilà, Saint-Étienne ou les alentours, voilà. Surtout que c'est l'occasion de fêter Carnaval, puisqu'il n'y en a pas des défilés dans le coin. Non, le seul carnaval qui a au plus proche comme ça par le fait, c'est Bains-les-Bains, enfin la Vosges-les-Bains maintenant. Et justement, moi mon but, c'est comme nous avons une com-com maintenant, c'est si des fois il y avait les autres communes qui voulaient s'associer à nous pour voilà pour d'autres chars, d'autres fanfares qui pourraient défiler avec nous, pouvoir agrandir justement ce carnaval, le défilé. Ben, ce sera avec joie, donc s'il y en a qui m'entendent, voilà, ils peuvent contacter la fanfare ou la mairie qui transmettront mes coordonnées. Et, voilà, parce qu'après, voilà, c'est aussi un travail en amont qui, avec plusieurs autres associations, plusieurs, c'est un autre type d'organisation, donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Donc voilà, si toutefois, mais moi ce serait mon souhait ouais, de pouvoir faire quelque chose de vraiment, voilà, vraiment grand sur Saint-Étienne. Pour Carnaval, voilà, pour les enfants et pour la ville. En tout cas, ça commence hein, petit à petit pour cette quatrième édition. Vous avez vu monter comme ça, crescendo, le nombre de participants et vous voyez que ça commence à prendre. Oui, ça commence à prendre, oui. Beaucoup m'ont vu, m'ont dit « Mais dis donc, t'as pas fait ton Carnaval ?» Je dis « Si, mais malheureusement, on n'avait pas possibilité au mois de février. » Parce que c'est vrai que d'habitude, on le fait au mois de février. Pas de possibilité de salle parce que... les salles étaient louées et on préfère faire ça le premier jour des vacances. Et malheureusement, voilà, le jour des vacances est retombé. Donc là, cette année, le 6 avril, pardon. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'était repoussé d'un mois. Sinon, c'était prévu au mois de février. Et puis ça aurait été au moment où il y a fait les belles journées. Là. Ah oui, bah là, je l'ai regretté. J'ai dit, parce que ça, les deux dernières années, on a eu un temps incommensurable. Et là, il fait une chaleur. Bon. Ce samedi 6 avril, ça devrait apparemment, il y aura du soleil. Ah, j'ai appelé la météo, je leur ai demandé, ils m'ont dit, on vous mettra du beau temps, monsieur Chaudy, il n'y a pas de problème. Donc, il y a du beau temps, vous pouvez venir. Une jeune artiste, pas loin, donc il n'y a pas lieu de faire des kilomètres pour aller la voir sur scène dans les studios parisiens. Pas cher, hein, elle vient gracieusement pour les enfants, donc n'hésitez pas à venir. Le beau temps, le spectacle, la musique, il y a tout ce qu'il faut. Puis si toutefois il pleuvait, non, je ne vais pas vous porter malheur, mais en tout cas, il y a le costume de grenouille qui peut bien aller. Pourquoi pas ? Je ne le mettrai pas. On parlait du défilé, André, certes, mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'après le goûter, après le concert de Maëva Gilot, il y aura un autre événement un peu plus tard dans la journée, je dirais même dans la soirée. Début de soirée, oui, oui, voilà. Donc voilà, cette année, pareil, on a décidé de faire un bal de carnaval costumé. Donc là, ce coup-ci, il y a un thème, par contre. Hein, c'est années 80-90. Alors, pourquoi thème ? Parce que nous allons offrir aux plus beaux costumes hommes et aux plus beaux costumes femmes un lot. C'est pas énorme, mais voilà, c'est pour donner l'envie aux gens de venir et de recréer la joie de carnaval qui malheureusement se perd quoi, il y a plus de on en voit de moins en moins et C'est dommage, quoi. C'était quelque chose qui était sympa dans les anciennes époques. Bon, il y a 20 ans, hein, il n'y a pas 50 ans non plus, mais c'était... Voilà, j'ai voulu remettre ça aussi en place, quoi. Inciter les gens à revenir, à fabriquer leurs costumes eux-mêmes aussi, parce que... Voilà, et donc à travers le lot, ce sera une manière de les remercier d'être venus déguisés et puis de s'être donné la peine d'avoir fait un costume. Bal costumé à 20h30 ce samedi 6 avril à Saint-Étienne-les-Remiremont, à salle polyvalente. Salle polyvalente, oui. S'il y en a qui ont envie de venir danser mais pas costumés, ils peuvent quand même. Ah, ils peuvent quand même, bien sûr, oui. On accepte tout le monde, nous, la fanfare. Vous ne pourrez pas participer au concours et vous ne pourrez pas gagner les prix. Pour le meilleur costume masculin et l'autre pour le meilleur costume féminin. Comment ça se passe si les garçons se déguisent en femmes? Ils risquent d'être déçus, les garçons de la SCOUS. Et dans quelle catégorie concourront-ils? Voilà. L'entrée, cette fois, ça sera payant. Alors, l'entrée sera payante, 5 euros avec une consommation. Voilà. Consommation comprise. Consommation, oui. 5 euros avec une consommation. N'importe laquelle ? N'importe laquelle. Bon, il n'y aura pas du champagne non plus. Ah non, pas champagne, non. Bière, jus de fruits, etc. Bière, jus de fruits, Coca-Cola ou café, là. Voilà. Voilà. Pour ce bal costumé, donc, le thème, on l'a dit, les années 80-90. Voilà. Il y aura un DJ qui passera ce style de musique. Alors, ce sera un DJ de Don Martin. Alors, j'aurais dû noter le nom aussi parce que je m'en souviens plus. Attends voir que je regarde si j'ai la fille. Ah, en tout cas, Freedom Music. Voilà, c'est Freedom Music de Don Martin qui viendra animer la soirée. Un habitué des années 80-90, justement, qui a l'habitude de ce genre de soirée. Donc voilà, quelqu'un qui va assurer cette soirée sur le thème des années 80-90. Pourquoi vous avez choisi ce thème? On a choisi ce thème parce que on fredonne tous, nous à la fanfare, on fredonne tous des chansons de cette époque, hein, 70, 80, 90, en 2000 aussi. Hein. Mais non, c'est quelque chose qui nous plaît bien et qui rattire pas mal de monde. Et je pense que les gens aiment ces années-là. Donc voilà, et c'est vraiment les années où tout le monde s'éclatait, tout le monde se foutait de tout. Et voilà, carnaval, c'est ça justement, c'est où on s'amuse, on se déguise et on se fout du moment passé, présent, on y est, on fait quoi, voilà. Autant le défilé, c'est gratuit l'après-midi, autant on l'a dit, là c'est payant, enfin gratuit, puis je voulais dire sans inscription. Là, le soir pour le bal costumé, faut s'inscrire? Non, il n'y a pas d'inscription non plus, non, c'est... Les gens viennent, donc voilà, on espère avoir du monde, parce que malheureusement, alors je me permets, je devrais ou pas, je ne sais pas, mais... C'est dommage que certains commerces n'ont pas joué le jeu parce que on a fait des affiches publicitaires, et je me suis aperçu que beaucoup d'affiches n'étaient pas en mise et voilà, donc c'est bien d'avoir été invité chez toi ce soir pour pouvoir en parler comme ça librement parce que voilà quoi, on a le bouche à oreille, ça va, les réseaux sociaux, c'est pas toujours voilà, donc mais l'entrée, voilà, c'est, il n'y a pas de réservation, c'est les gens viennent, ils rentrent et voilà. Et il y a aussi de la publicité pour l'événement sur Vosges Matin. En tout cas, sur le site pour sortir. Et ça, j'en profite pour le dire à ceux qui organisent des manifestations, n'hésitez pas, c'est gratuit. Sur le site site internet de Vosges Matin, il y a une rubrique qu'on retrouve d'ailleurs dans le journal papier, hein, qui s'appelle Pour sortir. Et on peut inscrire sa manifestation comme ça, et ça permet qu'elle soit visible. Voilà, oui. Ça, j'ai de la chance parce que j'ai le service animation, parce qu'on est quand même épaulé pour faire le carnaval. On est quand même épaulé par le service animation de la ville de Saint-Étienne, que je remercie d'ailleurs, parce que c'est vrai que tout ça, tout ce qui est information au niveau journaux, publicitaires, c'est le service animation de la ville qui s'en occupe. Donc voilà, j'en profite aussi pour les remercier du coup de main qu'ils nous donnent, que ce soit les banderoles au rond-point Leclerc ou alors le panneau lumineux à l'entrée de la ville. Voilà. Et c'est vrai que tu fais bien de le signaler. Hein. Je disais depuis le début de l'émission, organisée par la fanfare, certes, mais soutenue par la ville, oui, c'est important parce que bien que ce soit ça paraît simple, hein, c'est un défilé tout bête avec des beignets à la fin, mais en amont, c'est un énorme travail, quoi. Donc tout ce que je peux léguer à la commune niveau communication, ou information, c'est, ça me dépanne bien, quoi. Et donc ce samedi 6 avril, hein, vous l'avez compris, ça sera la, la fête de, du carnaval à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et ce qui est d'autant plus sympa, c'est que ça qu'elle ne s'arrêtera pas au défilé de l'après-midi, mais que ça continuera le soir pour ceux qui voudront pour ce, ce bal. Entrée 5 euros, une boisson comprise, et puis ça sera la fête jusqu'à... Pouh ! Vous n'avez pas d'heure de fin prévue ? Ah bah 2 heures, le préfet commence à être strict maintenant. Salle polyvalente, ça ne sera pas la nouvelle salle multi-activité ? Non, non, salle polyvalente, oui. Et d'ailleurs, on en reparlera dans, dans quelques instants quand nous évoquerons la fanfare qui organise ce carnaval, puisqu'elle a joué à la nouvelle salle multi-activité il y a un peu plus d'un mois. Oui, le 23 février, oui. On évoquera ceci. En attendant, avant de, d'écouter un deuxième titre, est-ce qu'on a fait le tour avant le rappel final, hein, je le disais, sur cet événement, est-ce qu'on a tout dit sur ce qu'il y a à savoir pour le carnaval de Saint-Denis ? Pour le carnaval, on a fait le tour. Bon, on y reviendra tout à l'heure. À propos de carnaval, c'est le moment d'écouter un artiste qui s'appelle... Alors, cette fois, ce n'est pas un artiste local comme Maeva Gillot. Il ne sera pas présent. La fanfare municipale ne l'a pas fait venir. Quoique, il était venu, lui, il me semble, à Gérardmer pour Rocola, qui, il y a quelques années. Il s'appelle Da Silva. Je ne sais pas si tu connais, André. De nom, non, ça me dit rien. Tu vas apprendre à découvrir. Et la chanson s'appelle Le Carnaval. Ah bah, tout le temps. Des tambours d'ici au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde, et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être. Ma plus fidèle des compagnes, ma cavalière d'honneur est entrée dans la danse. Où que j'aille, quoi que je fasse, elle sera toujours là pour moi. Je ne sais peut-être même plus pourquoi. Je n'ai pas touché la terre ferme, les bras levés, la tête lourde, et le jour qui se lève me rappelle chaque instant. Oublier que si la vie est terrible, les journées peuvent être si belles. Je me suis jeté dans la parade au milieu des cuivres et des tambours. D'ici au moins j'étais sûr que l'on n'entendrait pas ma peine. J'ai pris la marche du carnaval, j'ai défilé comme l'on dérive, allongé sur le macadam. Et si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belles. Si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belles. Si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belles. Si la vie est terrible, les journées peuvent être, les journées peuvent être si belles. Da Silva avec ce titre Le Carnaval, c'est extrait d'un album qui est paru il y a 10 ans pile poil, c'était en 2009, et qui s'appelle La Tendresse des Fous. Et pourquoi ce titre ? Eh bien pour illustrer le carnaval de Saint-Étienne-lès-Remiremont qui aura lieu ce samedi 6 avril. Tout d'abord le défilé à partir de 14h30, c'est l'heure de rendez-vous place de l'Hôtel de Ville, puis départ 15h. goûté ensuite à l'arrivée, après 1 km 700 de trajet de parcours. Et puis, il y aura le concert de Maëva Gillot. Et le soir, à 20h30, bal costumé à la salle polyvalente de Saint-Étienne. Entrée 5€, mais on vous redira tout ça en toute fin d'émission. C'est organisé par la fanfare municipale de Saint-Étienne, représentée aujourd'hui par André Chaudy, son président. Et André, moi, ce que j'aimerais, hein, c'est que tu nous familiarises avec la fanfare. Alors, de Saint-Étienne, la vôtre, certes, mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une fanfare ? Alors, une fanfare, c'est un peu vague de donner une réponse. Une fanfare, on est uniquement des cuivres, nous, c'est-à-dire on n'a pas de piston, on n'a pas de touche, on n'a pas de clé, on n'a pas de voilà. Nous, on est plus du militaire que du musicien proprement dit, quoi. Voilà, on peut pas, nous sommes pas un orchestre, on ne peut pas certains morceaux qu'on ne peut pas jouer, quoi. En tout cas, c'est un ensemble musical. Voilà. Souvent, tu viens de le dire, hein, employer le terme, on l'associe aux militaires, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des cuivres dedans, parfois il y a des percussions. Dans la chanson de Da Silva, d'ailleurs, il disait tambour. On a les tambours, les cymbales, on a les hochets, on a les créoles, on a pas mal d'instruments quand même au niveau cuivre, au niveau fanfare. Hein. Mais on est quand même limité dans le répertoire musical, quoi. Il y a des choses où on ne peut pas, faute de notes, qu'on ne peut plus monter. Comme on travaille uniquement avec les lèvres et le souffle, on ne peut pas. Il y a certaines notes qu'on ne peut pas faire, quoi. Voilà. Tu parlais des années 80, le thème du bal costumé de samedi. Est-ce que vous pouvez en jouer de ces titres-là ? Ah, pas du tout, malheureusement. Ce sera avec plaisir, hein, mais malheureusement, non. Voilà, à cause de ça, on est pris. Il y a, quand je parlais des événements et de tout à l'heure la salle multi-activité, donc tu le disais, le 23 avril, elle a accueilli un de vos concerts et Vous n'étiez pas seul. Donc ça c'est aussi important de signaler. Les partenariats entre fanfares, ça existe ? Ben oui, ça existe, oui, la preuve, puisque depuis le mois de septembre, on s'est associé avec la batterie fanfare de Pouxeux-Germenil. Alors, pour le même motif que nous, très peu de musiciens et pas beaucoup nous rejoignent pour jouer, puisque c'est vrai, voilà, c'est toujours le côté militaire, c'est toujours le. Donc voilà, les gens, même les jeunes, je veux dire, ils reculent là-dessus. Donc, on s'est associé avec eux pour pouvoir être un plus grand nombre de musiciens et pouvoir justement avoir un autre répertoire que du répertoire militaire. Donc on tape là sur de la samba, sur du reggae c'est tout du réécrit, c'est tout du voilà. La fanfare de Pouxeux-Germenil, elle reste quand même indépendante. À chacun reste, oui. Comme disait aussi mon père, chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Voilà. Et le 23 février dernier, il y en avait une troisième. Alors le 23 février dernier, oui, comme les années d'avant, nous on joue avec le Toli, notre concert annuel. Malheureusement, qui n'a pas eu lieu l'année dernière, puisque avec un souci de chef niveau aux côtés du Toli. Mais cette année, oui, voilà, on était une cinquantaine de musiciens à s'être présentés donc à la salle multi-activité, qui est une très belle salle d'ailleurs. Les gens qui ne sont pas venus, c'est dommage pour eux, hein, ils ont dû le regretter parce que très belle acoustique, bien installée, et on a fait un superbe concert, quoi. Voilà, ouais. Vous avez loupé ce concert à trois fanfares. Bon, c'est dommage, comme le disait André, mais vous pouvez quand même voir une vidéo sur la page Facebook de la fanfare municipale de Saint-Étienne. Ouais. J'en profite pour dire que vous êtes présent sur Internet, déjà par cette page, ouais, par un site. Alors, il n'est plus, malheureusement, je crois que vous ne l'alimentez plus, ce site Internet, mais il existe encore. Il y a des vidéos, des photos. Quand on tape fanfare municipale Saint-Étienne, on tombe sur un site, d'ailleurs c'est sur monsite.com. Oui, je crois que mon ancienne secrétaire a mis ça en place, mais maintenant il y a Facebook, donc voilà, on a créé une page Facebook sur laquelle ma secrétaire actuelle joint pas mal de vidéos, de photos, de commentaires. Voilà, et c'est plus facile aussi maintenant avec ça de pouvoir communiquer nos événements que sur la page qu'on avait avant. Quoi. Mais ce que je trouvais bien sur l'ancien site, c'est qu'il y avait un endroit pour vous rejoindre. C'est-à-dire que le recrutement, vous le faisiez aussi via ce site et un formulaire qu'on pouvait remplir. Et tout ça pour dire que le recrutement, vous continuez bien sûr à... Ah ben le recrutement, oui, ça fait des années et ça continuera encore beaucoup... Beaucoup d'années, hein, parce que voilà, les anciens, on va pas pouvoir les garder tant que on voudrait, hein, puisque voilà, avec l'âge et les défilés, bah, c'est difficile. Rester debout au monument, c'est compliqué aussi. Donc et voilà, comme je te disais tout à l'heure, les jeunes maintenant, les fanfares, ça les intéresse plus. Enfin, dans tous les domaines, de façon associative, ça devient difficile de recruter du monde. Il y a tellement de choses à faire que voilà, donc. Mais vous en avez quand même des jeunes, parce que on a quand même photos, des jeunes. Les anciennes ouais, photos ouais. Que... Bon, alors maintenant, ils sont peut-être plus si jeunes, mais il y a quelques années que j'y ai vu sur l'ancien site, justement, je trouvais que c'était pas mal parce qu'il y avait l'air d'avoir de tout âge. Bah, il y avait de tout âge parce qu'il y avait les parents qui jouaient. Donc, les enfants les rejoignaient. Et voilà, hein, moi, j'avais mes trois enfants qui y étaient. Mais voilà, maintenant, le grand, il a 20 ans, donc voilà, donc c'est les filles, hein, c'est la vie de son côté. J'en ai un autre qui est parti, et puis bah, ma gamine, bah, voilà, elle a 14 ans, et puis bah, c'est autre chose. Elle, maintenant, c'est le chant, c'est, voilà, elle veut monter son petit groupe, elle veut... Donc voilà, c'est difficile de devoir les garder. Après, c'est comme je dis, la fanfare, on est là, c'est pour notre plaisir de jouer de la musique. Donc, si, du moment où on est obligé de venir, bah, on n'a plus envie, quoi. Donc, voilà. Donc, je force personne à venir, personne à rester. Mais voilà, c'est dommage que les fanfares tombent, quoi, parce qu'il n'y en a plus. Mais vous êtes combien à la fanfare stéphanoise ? À nous, stéphanoise, on est 14 musiciens, si j'arrive à voir tout le monde. Ah oui, parce qu'on est pas mal. On arrive quand même à rester sur un bon nombre, mais... Voilà, quoi, il faut que tout le monde soit là. Par rapport aux instruments, il y a quand même une base d'instruments qui sont obligatoires dans une fanfare ? Ah ben, le clairon est obligatoire déjà. Clairon, tambour, c'est obligatoire. Puisque oui, c'est la base pour les services militaires, hein, les monuments, tout ça. Oui, c'est la base clairon et tambour. Ouais. Et après, alors, à Saint-Étienne, quels instruments avez-vous et quels... instrument aimeriez-vous voir arriver ? C'est pour ça qu'on va maintenant parler du recrutement. Alors, ben, nous, Saint-Étienne, on a... Donc, moi, je joue des trois, du cléon, du cor de chasse et de la trompette de cavalerie. Et en plus, on a donc les tambours, la grosse caisse, les timbales. Mais après, voilà, on recherche de tout instrument. On voulait s'associer avec l'ancienne musique municipale de Saint-Amé, qui, eux, avaient une harmonie. On aurait pu recréer une harmonie municipale donc avec une BF et une harmonie pour pouvoir faire de grandes choses, quoi. Mais voilà, ça s'est pas fait parce qu'on a un petit peu traîné dans le temps, on va dire, et puis voilà, ils ont rejoint d'autres musiques aux alentours et voilà, ils sont restés comme ça, quoi. Alors, tu dirais quel instrument pour vous rejoindre ? Alors, nous, de tout. Clairon, corde de chasse, trompette de cavalerie, tambour. Quelqu'un qui sait jouer du xylophone sera le bienvenu parce que, justement, j'en cherche un, joueur de xylophone. Mais sinon, oui, hein, du tuba, des caisses claires, voilà. Et percussions ? En percussion, oui. Percussion, oui, il nous en faudrait, oui. Si vous avez envie de rejoindre la fanfare municipale de Saint-Étienne, vous pouvez déjà via la page Facebook de celle-ci. Sinon, il y a tes coordonnées. Tout à l'heure, j'hésitais. Est-ce que je peux les donner ? Ah, mais tout à fait. Parce oui, que j'ai oui. ton numéro de téléphone et puis ça peut être. Alors là, vous pouvez faire d'une pierre plusieurs coups, puisque tout à l'heure, quand on parlait du carnaval, tu disais, toi, tu aimerais voir celui que tu organises à Saint-Étienne se développer en intercommunalité. Voilà, oui, si c'était faisable, oui. Donc si vous avez, si vous êtes de maire d'une commune avoisinante, ou en tout cas, si vous avez des responsabilités, vous avez envie de joindre André, ou enfin, je dis maire, mais non, association... Ah bah, association quelconque, oui, il y a... Et oui, parce que là, autant, enfin, on le disait, hein, la municipalité soutient de Saint-Étienne, mais après, c'est les associations qui peuvent. Ben, ah bah après, voilà, c'est les associations qui voilà qui se débrouillent par eux-mêmes pour voilà. Enfin, moi, moi, si je suis contacté par des communes avoisinantes pour par leur intérêt de venir chez nous défiler, soit avec un char, soit une musique ou simplement costumé. Voilà, c'est moi qui vais gérer tout l'organisation du défilé, quoi. Toi qui écoutes Radio Gemozo, tu as envie de participer d'une manière ou d'une autre à ce défilé pour les années futures, de t'associer à la fanfare municipale pour l'organisation. Tu peux, et puis si tu as envie de rejoindre la fanfare, hein, si tu joues d'un instrument, et on expliquera tout à l'heure, alors tu as dit les instruments qui éventuellement seraient pas mal de voir rejoindre votre fanfare, mais quoi qu'il en soit, n'importe qui peut venir, et puis il y a une formation, mais on verra, on en parlera juste après. Je vais tout de suite donner tes coordonnées. C'est le numéro de téléphone, en tout cas le 06 30 28 28 34. J'aime bien quand c'est facile à retenir. Celui-ci, ah bah c'est là, le cas. C'est facile. 06 30 28 28 34. On va marquer la dernière pause en chanson. On va rester bien sûr sur ce fil conducteur qui est le carnaval. Cette fois, peut-être que tu le connais un peu plus que Da Silva. André, on va voir, il s'appelle Arthur H. Ça dit quelque chose. Ah bah voilà, oui. Fils de Jacques Higelin. Voilà. Qui a, sur son dernier album, oui, c'est le dernier en date, mais il est quand même paru en tout début d'année dernière, donc ça fait plus d'un an. Et c'est sur cet album qui s'appelle Amour Chien Fou, il y a un titre qui s'intitule, lui, Carnaval Chaotique. On espère que ça ne sera pas le cas. J'espère, oui. Pour samedi à Saint-Étienne, mais on va quand même écouter. Gade ki jan lan mò fè bagay ak la vi Meli melo ke bat mò sa Yon tambou de bunda Nou a gede monte nan tèt mwen Mwen pral pale Langaj orage Langaj zikle Langaj la pli An bayon siel biman zwazo Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Cuando la muerte viene a tocar, carnaval, carnaval. moral, ben moi ça va rien. Soy el rey, el rey de la luna. Si, señorita. Dis chérie, moi t'étais au piquet, moi tout n'est pas soi. Passe-moi devant, moi m'être mourir. C'est que des miens. Un bâti ventou, un bâti ventou, un bâti ventou. Sois, sois, sois. Quand la muerte. Arthur H sur Radio Gemozo, carnaval chaotique, pour illustrer cette chanson sur le carnaval de Saint-Étienne et Remiremont qui aura lieu ce samedi 6 avril, organisé par la fanfare municipale de Saint-Étienne, représentée aujourd'hui pour cette émission par André Chaudy, son président. On parlait de recrutement, on a donné tes coordonnées. Comment ça se passe? J'ai ouï dire que... On peut arriver, j'aime bien cette expression, on peut arriver avec aucune connaissance ou des connaissances, peu importe, il y a une formation qui est assurée au sein de la fanfare. Voilà, c'est l'avantage chez nous, tu arrives les mains dans les poches, on te fournit tout. L'instrument, les tenues et l'éducation de l'instrument. Voilà, oui, parce que c'est vrai que c'est compliqué maintenant, donc comme je disais tout à l'heure, d'avoir des jeunes, donc apprendre le solfège quand on a 40 ans passés. Donc voilà, en plus le clairon, cor, trompette, on a 5 notes, 6 si on est vraiment costaud en serrant les lèvres. Donc ça va, c'est facile, c'est assez simple à apprendre. Pour donner un exemple de notre facilité d'apprendre à jouer de l'instrument, j'ai deux gamins, deux adultes quand même, qui sont chez nous, qui sont à l'école de Saint-Amé, quoi. Voilà, qui arrivent à jouer... de la grosse caisse et de la cymbale, alors qu'il faut avoir le rythme pour jouer. Ils arrivent à... Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, quoi. C'est tout juste niveau. De la bonne volonté. Tout niveau, si vous avez l'envie et que vous ne jouez pas du tout de l'instrument, ben vous pourrez apprendre grâce à la fanfare municipale stéphanoise. Voilà. Il y a des répétitions, bien entendu. Alors les répétitions, elles n'ont pas changé. C'est le vendredi soir à 18h30 à la salle de l'école du Fossard. 18h30 jusqu'à 19h30. Voilà, ouais. Ça fait pas court ? On rallonge un petit peu maintenant du fait qu'on est plusieurs, puisque ce Germinil, comme je disais tout à l'heure, nous a rejoint au mois de septembre. Donc maintenant, on peut se permettre de jouer plus longtemps, puisque comme nous ne sommes pas des professionnels, qu'on répète une heure par semaine, les lèvres, qui est un muscle, faiblit vite. Donc voilà, là, on peut se permettre de pouvoir se reposer pendant que les autres jouent. Et puis, les répétitions durent plus longtemps. Et c'est toujours avec... Toujours avec bonne humeur que nos répétitions se déroulent. Oui, maintenant, oui, des fois jusqu'à 20h, 20h15, oui, ça dépend. Oui. Ça aussi, ça peut inquiéter du monde qui aimerait peut-être jouer un de ces instruments, mais qui se dit « Oh, j'ai pas de souffle ». Il ne faut pas forcément du souffle pour savoir jouer d'un instrument. Hein. Toute une histoire de lèvres. Toute une histoire de lèvres. On travaille beaucoup avec le torse et la poitrine. On ne travaille pas forcément avec le... Avec le souffle, l'estomac, quoi. Non, non. Mais tout le monde, d'après toi, c'est accessible pour tous. Mais c'est accessible à tous, ah oui. C'est... Moi, quand j'ai commencé, il y a 25 ans, je n'avais jamais soufflé dans un clairon. Hein. Alors justement, tiens, André, ça serait l'occasion de nous dire en parallèle l'histoire de la fanfare municipale de Saint-Étienne. Depuis quand elle existe, comment elle a été créée, par qui, on va voir. Ah, c'est compliqué. Alors là, il va falloir que tu relances un appel à témoins, du coup. toi, à partir de quand tu l'as connue et puis quand l'as-tu rejointe? Alors moi, je l'ai connue, donc je suis arrivé à Remiremont dans les années 2000, fin 99, début 2000. Je suis rentré d'abord à la municipale à Remiremont. Donc j'avais jamais joué de clairon. Et alors la première phrase, le premier mot que m'a dit Michel Jaillant, l'ancien chef de musique de Saint-Étienne, de Remiremont, pardon, je suis arrivé en retard parce que je ne savais pas où était la salle. Il m'a dit, ça marquera toute ma vie. Si tu vas prendre à jouer, mon gars, il va déjà falloir arriver à l'heure. Alors là, ça m'a... Bon. Et t'y es retourné quand même après, mais à l'heure. Ah bah après, j'y suis allé, mais à l'heure. Et donc, voilà, j'y suis rentré le jour de mes 20 ans. Le 19 janvier, le jour de mes 20 ans, je suis rentré à la musique Armiremont. Et j'avais jamais soufflé dans un clairon. Et donc, la première chose qu'il m'a appris, ça a été ouvrir le blanc. Ouvrir le banc, c'est la chose la plus simple à apprendre au clairon. Donc, ouvrir le banc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Voilà, ça, c'est ouvrir le banc. Et au mois d'avril, je jouais au Changolo. Donc, pour vous dire que, voilà, de janvier à avril, j'ai réussi à apprendre 3 morceaux au clairon et à rejoindre les rangs. Donc, voilà. Et aujourd'hui, j'en suis à pouvoir jouer à l'oreille comme ça, sans partition, sans rien, parce que je ne sais pas lire le solfège. Donc, vous voyez que c'est facile. T'as quitté Remiremont pour Saint-Étienne ? Alors, j'ai quitté Remiremont... je n'ai pas quitté Remiremont pour Saint-Étienne. En 2008, 2008, la musique de Remiremont a malheureusement perdu son chef de musique. Et donc, ça a été repris par un professionnel. Et les professionnels, voilà, maintenant, c'est solfège, c'est les partitions, les notes, voilà, où il faut... et donc, comme on était... C'était beaucoup des anciens à la clique à Remiremont, donc la fanfare, ils ont préféré arrêter que de dire « Non, nous, on ne fait pas de solfège, machin, et ça. » Donc, je me suis retrouvé un petit peu coincé. On n'était plus que 2 clairons. Et c'était dommage parce que, 2 clairons, on ne fait pas un concert, hein. Donc, on faisait plus que les cérémonies patriotiques. Et j'ai entendu parler de Saint-Étienne. Et donc, je suis venu. Et les anciens de Remiremont sont venus me rejoindre. On a remonté. Elle existait, hein, puisque Patrice Pingenot, ou plus loin que je me souvienne moi, Patrice Pingenot, il est chef depuis 1983. Le chef actuel y est depuis 1983. Donc, ça faisait une paire d'années qu'elle était en stand-by, apparemment. Et on lui a demandé si ça l'intéressait de reprendre. Il a dit oui. Donc, voilà, il est revenu. Elle existait donc bien avant, hein, pendant la guerre, elle existait déjà apparemment, mais je n'ai pas de date exacte pour... voilà. Donc j'ai rejoint Saint-Étienne, ça fait maintenant une dizaine d'années, ouais. Puis la présidence ? Et puis la présidence, j'en suis à ma sixième année, là. T'es satisfait justement de l'évolution de la fanfare, comment ça se passe, etc. Vous organisez pas mal, on parle du carnaval, on redonnera pour finir tout ce qu'il y a, les détails de ce samedi, mais vous participez à la vie de la commune. Ah ben j'en suis plus que satisfait, oui, puisque maintenant on a fait Ça souffle sur les arcades l'année dernière à Remiremont. On reconduit l'opération cette année le 23 juin. Avec tout un autre ensemble musical. Alors ça se passera au kiosque du Tertre. Pareil, j'en profite pour faire de la publicité, mais parce que c'est un petit peu reculé de la ville. Donc voilà, les gens pourront venir nous écouter le 23 juin au kiosque du Tertre. Et nous jouons en première partie le matin à 9h, à 10h, mais ça dure, c'est sur toute la journée, avec Eloi, les 100 pistons, l'ensemble de saxophones de Remiremont, la musique municipale de Remiremont, brass band, un brass band du Nord, le brass band des Hauts-de-Vosges, de la Com-Com de Remiremont-Saint-Étienne. Ma fanfare, on participe à plein de choses, le carnaval de Saint-Amé, le Saint-Nicolas, de Plombières, de Saint-Amé, de Remiremont, 14 juillet, les Sainte-Barbe, Vous organisez des repas ? On organisait des repas parce que énormément de travail et très peu de... C'est pour ça que l'année dernière, on l'a pas fait. On n'a pas fait grand-chose l'année dernière, mine de rien. Hein, pas de concert, pas de repas. Mais le carnaval, ouais. Il faut laisser aller. Mais voilà, non, c'est énormément de travail et pour pas beaucoup de bénéfices après, donc voilà. Ça, on a toujours passé de super bons moments avec les gens qui venaient à nos repas, hein, mais beaucoup trop de travail pour le peu à gagner à la fin. Pourquoi petite parenthèse, hein, mais tu disais le clairon, t'en avais jamais joué. Pourquoi t'as eu envie de cet instrument ? Alors j'ai voulu jouer de cet instrument parce que mon papa était à la musique à l'armée, au train à Toul. Et il a été donc il était à l'armée et à la musique. Quand il est sorti de l'armée, il a repris le corps des sapeurs-pompiers du village d'où je viens. Et j'ai voulu être sapeur-pompier. Malheureusement, ma santé ne m'a pas permis d'y être. Et comme j'ai voulu marcher dans ses pas, j'ai dit, puisque je ne peux pas être pompier, je serai musicien. Donc j'ai repris l'instrument duquel il jouait à l'armée. Voilà. C'est une belle histoire. Tu as peut-être même eu son clairon, non ? Ah non, son clairon, il est à la maison et celui-là, personne n'y touche. C'est personnel. C'est défendu de toucher. Vous avez envie de rejoindre la fanfare municipale stéphanoise, de la soutenir de toutes les façons possibles, vous pouvez contacter André Chaudy, son président, au 06 30 28 28 34, 06 30 28 28 34. Sinon, il y a la page Facebook. Ou par le biais de la mairie qui transmettront mes coordonnées. Voilà. Ça coûte combien pour participer à la fanfare ? Oula, cher. Non. On demande 10 euros d'adhésion. C'est pour l'assurance, en fait. Voilà. Mais sinon, il n'y aurait pas l'histoire d'assurance, tout serait vraiment gratuit. Quoi. Voilà, y a pas de... Et puis tu disais, si les personnes n'ont pas l'instrument, vous le fournissez. On fournit les instruments, les tenues, les cours. Ouais. Voilà. André, je crois que c'est le moment pour finir de rappeler tout ce qu'il y a à savoir pour samedi. Et si ça se trouve, c'est moi qui vais m'y coller parce que c'est moi qui l'affiche, c'est ça ? Et ben voilà, tu as tout dit. tu sais quoi ? Je vais déjà commencer par... Moi, ce que j'aime sur l'affiche... La fanfare municipale de Saint-Étienne et Remiremont, fête carnaval, tout est dit. Voilà. Ça commencera. Donc, vous l'avez entendu, je l'ai assez répété, peut-être que vous rejoignez seulement Radio Gemozo, alors c'est pour ça que je vais le refaire. C'est ce samedi 6 avril. Voilà. Avec le beau temps commandé par André Chaudy de la fanfare municipale qui organise cet événement. À 14h30, le rendez-vous est donné place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne et Remiremont. Le temps de se mettre en place. Puis, départ 15h. Alors, on rappelle, tout un chacun peut venir déguisé comme il le souhaite. Vous pouvez venir au dernier moment, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Ça peut être plutôt sympa de se retrouver tous et puis de partager cet instant-là. D'autant plus que après le parcours d'un kilomètre 7... dans Saint-Étienne, voilà. On arrivera à la salle à la Moutière, à la salle polyvalente, juste devant, pour brûler Monsieur Carnaval, puis le goûter avec concert de Maëva Gillot qui avait participé à The Voice Kids. C'était en 2015 pour la deuxième saison de celle-ci. Elle est de Saint-Nabord, Maëva. C'est ça, oui. Et puis ensuite, quand vous aurez bien goûté, quand vous serez nourri également de musique, vous pourrez rentrer chez vous. Mais le soir, hop, on ressort, on met son costume années 80-90. Enfin, on peut se costumer là aussi en ce qu'on veut, mais l'idée, le thème 80-90, voilà. Et d'autant plus que si vous êtes dans cette thématique, vous pourrez participer de façon, tous ceux qui seront là, ils participeront au concours, du fait. Oui, tous ceux présents, voilà, participent au concours. Et il y aura un lot pour le meilleur costume homme et femme, c'est qui va choisir ? Haha. Non, en fait, c'est toute l'équipe de la musique. Je ne prends aucune décision sans mes musiciens. Voilà, mais la fanfare municipale de Saint-Étienne choisira quel est le meilleur costume masculin, quel est le meilleur costume féminin. L'entrée est de 5 euros, ce sera la salle polyvalente de Saint-Étienne et Remiremont, avec une boisson comprise. Voilà. Est-ce que tout a été dit, André ? Eh bien, je crois que tu as fait le tour complet, oui. Oui, c'est le moment de se dire au revoir et puis de se dire à samedi pour le carnaval. Eh bien, bonne soirée, à samedi. Bonsoir. Bonsoir.